Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire à Moncton, Joseph Broussard, héros de la résistance acadienne. Souvent, on a été plaqué par cette image-là d'Évangeline, tu sais, qui était, bon, pour moi, en tout cas, elle me donne des petits boutons parce qu'elle n'a jamais vraiment existé. C'est un personnage de Longfellow, même que son histoire d'amour est complètement absurde parce qu'elle rencontre rien que son chum quand lui est en train de mourir dans un hôpital quelque part. Mm-hmm. On s'est dit, il doit y avoir d'autres choses que ça. Alors, quand on a choisi Beau Soleil Broussard, c'était seulement par opposition à ça. Bon, en plus, il y a un beau nom. Beau Soleil Broussard, c'est un beau nom. Jacques Savoie, écrivain et membre du groupe Beau Soleil Broussard à l'émission La vie quotidienne en 1978. Joseph Beau Soleil Broussard est l'une des grandes figures légendaires de l'Acadie. Mais contrairement à Évangeline, Joseph Broussard n'est pas une victime. On se souvient plutôt de lui comme de l'un des principaux leaders de la résistance acadienne au temps de la déportation. Sa mémoire est d'ailleurs bien vivante aujourd'hui encore en Acadie et en Louisiane. La déportation, ça s'est pas passé un matin. Hein. Ça a duré à peu près 7-8 ans. C'était ce qu'on appellerait maintenant du réaménagement rural. Et puis, assez brutal quand même, oui. Mais ça a duré 8 ans. On commençait à en déporter, il se sauvait, on allait chercher plus loin, il se sauvait. Lui, c'est peut-être un des bonhommes qui s'est sauvé le plus longtemps. Puis il essayait de réorganiser les Acadiens en fuite. On l'a pris après 7 ans. 7 ans après 1755. On l'a déporté, mais pas comme les autres. Poussé sur un bateau vide, on l'a mis dans un bateau où il y avait des Anglais, puis on l'a amené vers le Massachusetts avec d'autres prisonniers acadiens. Sur ce bateau-là, il a organisé une mutinerie. De là, il a pris en charge le bateau, il est revenu sur Beaubassin, puis il a négocié carrément l'équipage anglais contre des Acadiens. D'autres Acadiens. Zachary Richard et le groupe acadien 1755 en concert à Moncton à l'occasion du Congrès mondial acadien de 1994 sur la chanson Réveil. Vous entendiez à nouveau l'auteur Jacques Savoie, membre du groupe Beau Soleil Broussard dans les années 70. Pour nous parler de ce que représente Joseph Beau Soleil Broussard dans l'histoire des Acadiens, je reçois l'historien Maurice Basque, qui est conseiller scientifique à l'Institut d'études canadiennes de l'Université de Moncton. Maurice Basque, bonjour. Bonjour. Merci, M. Basque, d'abord de nous recevoir chez vous à l'Université de Moncton. D'où vous parvient cette émission, chers auditeurs. Quelle place il occupe, Maurice Basque, Joseph Broussard, dans l'imaginaire collectif acadien, je dirais? Ben, c'est un homme quand même qui, je pense, projette l'image d'un Acadien résistant, ce qu'on n'a pas toujours. On a plus souvent qu'autrement soit des Acadiens plutôt victimes, soumis, silencieux. Oui. Avec Beau Soleil, c'est une image de quelqu'un qui va combattre. D'ailleurs, toute sa vie, il va combattre les Britanniques. Et on le retrouve beaucoup ici en Acadie. Dans la poésie, dans le roman d'Antonine Maillet, Pélagie Lacharette, c'est un des principaux personnages. Dans les chansons, il est partout. Il est partout. Il est surtout, par exemple, en Louisiane, dans la mémoire, je dirais, familiale. En Louisiane, une ville porte son nom, mais en Louisiane, le fait d'être un Broussard ou d'avoir un lien avec la famille Broussard, depuis des années, c'est considéré comme une espèce d'honneur, presque comme un genre de noblesse chez les Cajuns. Ouais. Et on fait un effort pour trouver dans son arbre généalogique ce lien avec Broussard. On l'a en quelque sorte ressuscité dans les dernières années à Saint-Martinville. On le voit, il prend même beaucoup plus de place maintenant qu'il en a réellement pris dans l'histoire des Acadiens en Louisiane. Parce qu'au fond, il est quoi, 2 ans à peu près en Louisiane? À une longue vie, il arrive en Louisiane et il va décéder quelques temps après avec son frère Alexandre en 1765. Ouais. Donc, il est au tout début de la petite présence acadienne en Louisiane. La plus grande viendra des années après, ouais, de France. Mais cette place qu'il occupe, elle est, c'est comme un peu, de temps en temps, l'arbre qui va cacher la forêt, ouais, finalement. Un peu frustrant pour un historien. Oui, et surtout pour les historiens ou pour les familles qui sont venues un peu après et qui ont construit véritablement cette communauté qui est aujourd'hui l'Acadiana, hein, les Cajuns de la Louisiane. Ouais. Parlons un petit peu des origines de Joseph Broussard. On va remonter le fil du temps avec vous. Qui est donc cet Acadien qui va devenir ce personnage de légende qu'il va devenir? Alors, c'est un Acadien. Il est né en Acadie déjà, parmi cette première grande génération de Français nés en Acadie qui progressivement vont devenir des Acadiens. Il est né en 1702 à Port-Royal. Il est né dans une famille avec un père, François Broussard, qui est un opposant aux Britanniques. Dès la conquête britannique de l'Acadie en 1710, le père de Beausoleil va être arrêté par les Britanniques. On imagine donc dans la maison des Broussard, les conversations, les échanges qu'on peut avoir. Et très rapidement, Broussard va être peut-être plus que son père encore, quelqu'un qui sera difficile à contrôler, difficile, ouais, à gérer. Il va se battre avec des voisins. C'est comme si pour lui, la diplomatie, on va régler des problèmes à coups de poing, ce qui embête beaucoup sa famille, sa grande famille, ouais, parce qu'il a aussi l'habitude de fréquenter les Mi'kmaq, les autochtones du lieu, ce que les Britanniques n'aiment pas vraiment. Et même, il va apprendre suffisamment la langue des Mi'kmaq pour être très bien respecté par eux. Donc, très vite, une relation tendue avec les Britanniques et, de par son père, qui va goûter à la médecine des Britanniques, un désamour assez précoce de Joseph Broussard pour les Anglais. Tout à fait, parce qu'il va même, justement, avec ses Mi'kmaq, joindre les Mi'kmaq sur une première attaque contre les Britanniques. Il va toujours, à un moment donné, je pense que sa famille, qui essaie, elle, de ménager le chou et la chèvre avec les Britanniques, qui sont les nouveaux maîtres du territoire, Beausoleil, son frère, leur épouse, ils vont déménager dans ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Brunswick, pas tellement loin de Moncton, à Chipoudy, beaucoup plus loin donc du contrôle, ouais, de l'influence et de la présence militaire britannique. Joseph Beausoleil Broussard. Pourquoi Beausoleil? Beausoleil, différentes hypothèses. C'est même pas un village, le petit hameau où ils habitaient portait le nom de Beausoleil. Est-ce qu'il avait peut-être une barbe rousse qui aurait fait de lui Beausoleil, mais partout où il va, et c'est pas seulement lui qui porte le surnom de Beausoleil, son frère Alexandre également le porte. Et lorsqu'ils vont s'installer sur les rives de la Petite Kodiak, donc pas tellement loin d'ici, leur emplacement va porter le nom de Village des Beausoleils. Ouais. Donc ils vont toujours, ces deux hommes, et des fois pour les historiens, c'est compliqué parce que lequel des Beausoleils, si, ouais, on mentionne seulement Beausoleil, parce que son frère Alexandre est aussi très combatif, est aussi très engagé dans cette lutte contre la présence britannique en Acadie. Avant de devenir le héros de la résistance qu'il va devenir, vous l'avez un petit peu évoqué, mais un petit mot encore là-dessus, c'est une tête forte. Il aime en découdre, il va aimer en découdre avec les Anglais, mais plus que ça, là, il va se retrouver, il y aura des problèmes, il va se retrouver devant les tribunaux à de nombreuses reprises. Parlez-moi de ce côté un peu sanguin, un peu bouillant de Joseph Broussard. Oui, tout à fait. Lorsqu'il s'en prend à un des nouveaux arrivés français en Acadie, Louis Thibault, qui n'a pas vraiment de réseaux familiaux, mais ce que Louis Thibault a finalement lorsque, comme on dirait en Acadie, lorsque Beausoleil lui a donné une bonne volée, ouais, sa défense à Thibault, c'est d'aller voir les Britanniques et dire il est peut-être bien protégé par sa grande famille, mais moi je sais qu'il était avec les Mi'kmaq dans un rassemblement contre les Britanniques en 1724. En 1726, un an après son mariage, il est accusé d'être le père d'un enfant, comme on disait à l'époque, d'un enfant illégitime ou d'un bâtard. Donc, à l'extérieur du mariage, une mari d'aigle l'accuse. Et là, c'est beaucoup plus délicat parce que c'est une question de mœurs pour un homme marié. Ouais. Et elle va dire, et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans les documents, c'est la sage-femme qui va témoigner en disant, en accouchant, mari d'aigle a crié le nom du père. Et cette façon d'identifier le nom du père était reconnue par le common law britannique à l'époque comme étant suffisant pour dire « c'est le père ouais. ». Donc là, encore une fois, la parenté doit intervenir pour le protéger, payer la pension pour le jeune enfant qui ouais. est né. Après ça, c'est à ce moment-là qu'avec son frère et leur épouse, une qui devait peut-être être contente dans le lot, qu'ils déménagent finalement à Chipouti. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on entre dans la grande histoire également, Maurice Basque, et ça va commencer le récit de cette grande histoire pour Joseph Broussard avec la bataille de Grand Pré en 1747. D'abord, peut-être nous rappeler, on parlera du rôle qu'il a eu dans cette bataille, mais rappelez-nous d'abord... Qu'est-ce qui se passe à Grand Pré en février 1747? Vous savez, à partir des années 1740, les Français, avec les Canadiens de la vallée du Saint-Laurent, tentent de reprendre l'Acadie. Et ça, ils vont le faire à plusieurs reprises. La bataille de Grand Pré, c'est lorsque le gouverneur général de la Nouvelle-France envoie un officier canadien, Coulon de Villiers, avec une expédition pour essayer de reprendre l'Acadie, la faire rentrer à nouveau dans ce qui était la Nouvelle-France. Ils vont s'en prendre à Grand Pré, à l'hiver, février 1747. Donc, Grand Pré est déjà dans ce qu'on appelle à l'époque la Nova Scotia, la Nouvelle-Écosse, donc en territoire britannique. Mais l'expédition canadienne, lorsqu'elle est sur sa route, elle va encourager les Acadiens à prendre parti ouais. et à faire partie. Donc, avec Beausoleil, ils n'ont pas dû avoir beaucoup de difficultés à l'encourager. Et ce sera une victoire canadienne parce qu'ils attaquent Grand Pré, où sont la troupe britannique dans les maisons des Acadiens, la nuit en pleine tempête de neige. Et là, les Britanniques ne seront vraiment pas contents parce qu'ils vont dire « Comment savaient-ils ces Canadiens? Où étaient logés les soldats? Ouais. » Exactement dans quelle maison. Alors, Beausoleil va faire partie de cette attaque. Il va continuer aussi, parce que, bon, les Britanniques vont revenir à Grand Pré par la suite, mais il va continuer à faire partie des différents raids que les Canadiens ou les Français établis dans l'île voisine du Cap-Breton avec Louisbourg vont faire contre les Britanniques et surtout après la fondation d'Halifax en 1749 dans la communauté voisine de Dartmouth, lorsque Beausoleil avec des Micmacs, ils vont tuer des civils. Donc ça va donner aux yeux des Britanniques une réputation à Beausoleil qu'il ne pourra jamais se débarrasser. Ça sera à leurs yeux, bien sûr, pas seulement un combattant, ouais. mais quelqu'un à abattre. Et ben voilà, sa tête va être carrément mise à prix à ce moment-là. Tout à fait, par le gouverneur du Massachusetts, comme d'autres Acadiens. Encore une fois, cette image qu'on ne connaît pas beaucoup, qui n'a pas été véhiculée beaucoup dans l'histoire, je dirais, ou même dans la culture générale des Acadiens, ces Acadiens, avant le grand dérangement, qui s'agitent. Hein, oui. Ils sont peut-être une douzaine, mais ils jouent un rôle assez important pour qu'à un moment donné, les Britanniques vont dire « c'est un exemple suffisant » pour dire que tous les Acadiens sont comme ces quelques hommes. Ouais. On ne peut pas leur faire confiance. L'un des épisodes qu'on aime à se rappeler quand on parle de Joseph Broussard, c'est celui qui est associé à la prise du fort Beauséjour par les Anglais en 1755. On va y revenir, Maurice Basque, parce que toujours on parle de ça alors que c'est une défaite. Mais quand même, cet épisode-là fait partie vraiment du récit autour de Joseph Broussard. On écoute d'abord l'auteur Claude Leboutillier en parler à l'émission Documents en 1987. Le fort Beauséjour était donc construit dans la région de Sackville, la région de l'isthme de Chignectou. Donc en 1755, il y avait à peu près 2000 Acadiens dans cette région-là. Certains s'étaient installés dans la région de Chipoudy, d'autres de Memramcook, certains à Lecoud, qui est l'ancien nom pour la ville de Moncton. À ce moment-là, les armées anglaises, sous la gouverne du lieutenant-colonel Moncton, sont arrivés en face du fort Beauséjour et ont réussi à prendre le fort. Et Moncton, qui a donné son nom d'ailleurs à la ville de Moncton, mais Moncton sans la lettre K, Ce même Moncton, donc, a pris le fort Beauséjour avec 400 Acadiens prisonniers et a fait le pillage dans la région de Tintamarre, la région d'Aulac, de Jolicoeur et jusqu'à même Memramcook. Il y a eu quand même pas mal de résistance à ce moment-là parce que plusieurs Acadiens, sous la direction du légendaire Joseph Broussard du Beau-Soleil, ont fait des sorties de guérilla puis ils ont donné pas mal de misère, mais quand même, ils n'ont pas pu empêcher la capitulation du fort. Ah, si Joseph Broussard et ses hommes ne réussissent pas à empêcher les Anglais de prendre le fort Beauséjour, et reste, je le disais il y a un instant, Maurice Basque, que cet épisode-là fait partie vraiment de l'histoire qu'on retient quand on parle de Joseph Broussard. Pourquoi? C'est parce que, entre autres, même comme vous l'avez bien souligné, c'est une défaite, même si dans la région de Moncton, un hôtel porte le nom de Beauséjour, il y avait des écoles, beaucoup de commerces, c'est un nom qu'on a voulu conserver finalement. Beausoleil, comme on l'a dit un peu plus tôt, il était très près des Autochtones, des Mi'kmaq, des guerriers Mi'kmaq. Et ces Mi'kmaq étaient aussi en guerre avec les Britanniques. Le fort Beauséjour va tomber assez rapidement. On a d'ailleurs du commandant français du fort Beauséjour, Jacques de Fiémont. C'est celui qui va écrire au sujet de Beausoleil en disant « De tous les Acadiens, c'est probablement l'un des plus braves, l'un des plus entrepreneurs. » Donc, c'est un leader vraiment très évident chez les Acadiens. Et cet épisode-là nous montre ça particulièrement. Ben oui, parce que le jour même de la reddition du fort, hein, on a, un historien indique que c'est un siège de dentelle parce que finalement, ça s'est fait assez rapidement entre les officiers, la négociation. Le jour même de la reddition du fort, Beausoleil et ses hommes vont attaquer les Britanniques qui étaient à l'extérieur. Donc, c'est pour vous dire jusqu'à quel point à la fois son entêtement et le fait, et on le sent, cette volonté, cette rage finalement de ne pas accepter et de dire bon, ben c'est, on va par tous les moyens tenter d'affaiblir cette présence britannique. Ouais. Dans le cas du fort Beauséjour et de la région, c'était trop tard. Et tout ça, je le rappelle aux auditeurs, se passe avant la déportation. Ouais. Tout s'est démêlé avec les Britanniques, c'est avant la déportation. Arrive donc cette déportation. Broussard se réfugie dans la forêt avec sa famille, mais continue de résister. C'est ce qui va faire de lui la grande figure qu'il est devenu, parce que c'est l'un de ceux, peut-être celui qui va résister le plus longtemps. Donc, continue de résister pendant quelques années aux Britanniques après cette déportation de 1755. Le chanteur Zacharie Richard, l'historien Paul Surette, nous parle de cette période-là, cette période de résistance au temps de la déportation, dans le documentaire de Phil Comeau, Zacharie Richard, toujours batailleur. Je suis sur l'ancienne terre des Beausoleils. Il y a 250 ans, cet endroit aurait été le bastion de la résistance. Il y aurait eu quelques maisons, des femmes, des enfants et des hommes qui partaient pour se défendre. On est au quartier général de la guérilla acadienne. C'est là où étaient les grands chefs. C'est les deux frères Broussard dits Beausoleil. Alexandre et Joseph. Oui, il n'y avait pas seulement les Broussards. Les Indiens étaient complètement avec nous. Les Acadiens, malgré qu'ils se sont si bien battus, ont dû se replier un peu. Mais ils avaient résisté pour 4 belles années. Québec est tombé en 59. Une partie des Acadiens se sont soumis parce que s'ils continuaient, beaucoup des enfants allaient mourir. Mais les femmes ont fait miracle aussi. Ils ont fait miracle. Pour avoir 10 enfants, les nourrir, les choses, les vêtir, les faire passer l'hiver et le froid. Moi, je suis étonné combien de familles acadiennes sont passées à travers l'enfer avec quasiment tous leurs enfants. D'une certaine façon, c'est eux qui ont grandement déjoué les Anglais. Les femmes? Oui. Ils avaient le courage de venir en grand groupe au fort dans des camps de concentration parce que leurs hommes étaient gardés. Ils leur apportaient de la nourriture parce qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas bien nourris, mais pas seulement ça. Dans des pains, ils cuisaient des couteaux, des limes, parce qu'ils voulaient que leurs hommes sortent. Puis, dans leur grande jupe, ils mettaient une autre jupe en dessous. Ils faisaient évader un jeune homme comme ça. À quelle forme va prendre, on en a une petite idée en écoutant cet extrait, mais quelle forme va prendre cette résistance menée, entre autres, par Beausoleil face aux Anglais, Maurice Basse? Cette résistance, déjà dans la région, le long de la Petite-Kodiak, où il y avait déjà beaucoup de hameaux acadiens avant le début de la déportation en 1755, dont celui des Beausoleil, les Britanniques commencent à entrer tranquillement, à détruire à partir du fort Beauséjour, qu'ils vont rebaptiser le fort Cumberland. Donc, des expéditions pour capturer les familles acadiennes, détruire également les établissements acadiens. Beausoleil et son frère et d'autres vont harceler ces détachements britanniques, faisant des prisonniers, capturant des prisonniers. Ils vont armer des petites goélettes, jouer le rôle de corsaires, finalement, très encouragés par le gouverneur général de Nouvelle-France à Québec, qui voyait dans cette, même si c'était pas massif, mais il y avait quand même cette résistance. Beausoleil, il sera blessé probablement au pied dans une bataille en 1758 entre les Britanniques et les quelques Acadiens qui résistent. Il va plutôt monter plus haut dans la région de Miramichi, dans ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Brunswick, où il y a une très forte concentration d'Acadiens réfugiés. Ouais. Et là, il va prendre aussi ce rôle. Il est comme l'incarnation, finalement, de la résistance. Son modèle, c'est-à-dire son exemple, va encourager beaucoup d'Acadiens, un petit groupe d'Acadiens, pour le moins, à résister jusqu'à la chute de Québec jusqu'à la chute de Montréal, même après la paix de Paris, finalement, où tout est complété, où le Canada devient britannique, il y a toujours ce petit groupe d'Acadiens avec Beausoleil à sa tête qui résiste, finalement. Mais il va devoir finalement se rendre, je pense, en 1761, qu'il se rend aux autorités britanniques, il va faire un peu de prison et se retrouve, racontez-nous ça, on arrive déjà à la fin de sa vie, il se retrouve d'abord à Saint-Domingue en 1764, puis en Louisiane. Oui, parce que avant ça, ils étaient à Halifax. Ils étaient le dernier groupe, petit groupe d'Acadiens qui refusait de prêter un serment d'allégeance sans condition à la couronne britannique. Et ce qui se passe à ce moment-là, on va les suivre jusqu'à Saint-Domingue, où après des négociations, Saint-Domingue est une possession française. Ils ne seront vraiment pas à l'aise à Saint-Domingue, où est Haïti aujourd'hui. Ouais. On comprend avec un climat, avec des jeunes enfants, avec des gens qui vont décéder. Ils vont décider de passer en Louisiane, où il devient on reconnaît son rôle de leader avec un capitaine, devient capitaine de milice, mais et où il va mourir assez rapidement. Ouais. Mais en 1765, il est dans la soixantaine. Toute sa vie, finalement, depuis son adolescence, aura été caractérisée par un long combat contre les Britanniques. Même quand tout semblait perdu, avec son petit groupe, ils partent jusqu'à un certain... Même s'ils sont des perdants, ils partent de la Nouvelle-Écosse la tête haute, en quelque part, en disant « Nous, on n'aura pas cédé. Oui. On va recommencer ailleurs, même si c'est difficile, mais on ne prêtera pas cette espèce de damné serment qui a tellement été au cœur des conflits et qui a finalement joué ce très grand rôle pour faire disparaître la société acadienne de l'époque de cette Acadie juste avant le grand dérangement. Maurice Basque, c'était un vrai bonheur de vous recevoir, historien, conseiller scientifique à l'Institut d'études acadiennes de l'Université de Moncton. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre visite. Merci à l'Université de Moncton. Merci à l'équipe de Radio-Canada en Acadie pour leur accueil chaleureux, pour leur soutien aussi dans la préparation de cette émission. Merci à vous de vous être déplacés ici pour assister à cette émission à Moncton. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Donc, on va prendre quelques minutes, Maurice Barre, si vous le voulez bien, pour laisser le public réagir, vous poser des questions. Ceux qui sont ici à Moncton ont ce privilège et cette chance d'avoir une période supplémentaire à la suite de cette émission qu'on vient de faire. Et on a un premier auditeur avec nous. Bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour. Je voudrais savoir si on parle souvent d'une parenté entre Beausoleil Broussard et la chanteuse Beyoncé. Oui. Ouais. Oui. Je voudrais savoir si cette parenté a une quelconque véracité historique et comment ce mythe ou cette vérité s'est créée au fil du temps. Alors vous, c'est Beau Soleil qui vous intéresse ou Beyoncé? Ah ben les deux, hein? Monsieur Basque, c'est vrai, vous faites bien de poser cette question. Ça fait quelques années qu'on parle de ça. Oui, oui. Beyoncé, qui a pris le nom de comme chanteuse de sa mère, le nom de famille de sa mère, en réalité, son nom est Beyoncé Knowles. Elle fait partie de ce métissage qui est très présent dans le sud des États-Unis, particulièrement en Louisiane, parce qu'elle a à la fois, ses ancêtres sont à la fois créoles et cajuns. Donc créoles, dans son cas à elle, avec des hommes, comme on les appelait à l'époque, des hommes noirs, libres, donc c'était des noirs qui possédaient des esclaves aussi. Et c'était pas hors du commun d'être marié, mais d'avoir une relation avec, par exemple, une domestique dans la maison. Et dans l'arbre généalogique de Beyoncé, son rattachement au broussard est sur, je pense, son arrière-arrière-grand-mère, à cette génération-là, qui est une broussard et, si ma mémoire est bonne, qui a eu, je pense, une douzaine d'enfants avec le maître, sans qu'il soit marié, alors que lui a déjà sa famille à côté. On n'en parlait pas à l'époque. Comme mon Acadie, on n'aurait pas parlé à l'époque, et quand je parle d'époque, une vingtaine d'années, qu'on avait du sang autochtone ou des liens avec les autochtones. En Louisiane, c'était très tu également. Maintenant, c'est une espèce de fierté, et dans son cas, elle le rattache. Mais c'est très clairement identifié sur plusieurs sites web américains, et elle est... Le fils de Beau Soleil, très rapidement, Armand Broussard, lui va faire devenir un leader des Acadiens. Sa maison, d'ailleurs, est toujours au village acadien de Lafayette, en Louisiane. Il est devenu pas riche, mais il est devenu assez prospère, comme beaucoup de ces Acadiens installés en Louisiane. La première génération, finalement, qui va naître en Louisiane. Et c'est de lui, donc c'est de cette lignée-là, du fils de Broussard, où se rattache finalement Beyoncé. Donc, et c'est aussi dans ce, comment je dirais, dans ce métissage également à quelques générations du premier arrivé. Donc, on est vers juste après la guerre civile où le contact se fait entre la Broussard en question et le Knowles, qui est l'ancêtre du père. On peut maintenant rêver, je ne sais pas moi, de Beyoncé qui reprend la chanson qu'on entendait au début de l'émission, en réveil en anglais. Oui, mais ça pourrait être... C'est pas mal, hein? Ça pourrait être... pour toutes les causes qu'elle le défend, elle en est consciente, mais souvent, en Acadie, on aime bien rattacher plein de je dirais... vous allez toujours avoir une arrière-grand-mère Leblanc, quelque part, que vous pouvez sortir comme ça. Mais on le fait aussi pour Madonna, mais je doute fort que Madonna passe son temps à regretter qu'elle n'ait jamais venue à un congrès mondial acadien ou qu'elle le sache aussi. Ouais. Hein, donc, si nous écoute, on la salue. est-ce que d'autres auditeurs voudraient... du public voudrait réagir, poser des questions? Profitez-en. Maurice Basque est là pour répondre à toutes vos questions. Monsieur. Juste un commentaire au sujet. Tu as mentionné que c'était reconnu dans la common law que quand une femme, en accouchant, donnait un nom. La sage-femme, pourvu que la sage-femme témoignait de ce nom. Mais en fait, à un certain point, c'était même encouragé. Aux États-Unis, entre autres. Surtout les filles mères. Oui. On encourageait le cri. Identifier, trouver, entre guillemets, un père. C'est ça, parce que sinon, ça allait. Fait que quelqu'un s'occupe de trouver de l'argent, etc. Donc, si on peut trouver le coupable. Oui. Voilà. Et dans ce cas ici, il venait tout juste de se marier, en plus, avec une Thibodeau. Ça faisait juste quelques mois. Donc, c'était un jeune marié. Alors, mais du fait qu'il avait ce comportement très bouillant, du fait qu'il avait une tête dure, du fait que même sa famille avait de la difficulté, parce que si on a des démêlés avec la loi, donc, ce sont les Britanniques qui vont intervenir. Et on ne veut pas cette intervention des Britanniques, surtout dans le cas de Beau Soleil, parce que, je répète, que la fréquentation des Mi'kmaq à l'époque, des guerriers Mi'kmaq, dans un moment où les Britanniques ne contrôlent pas vraiment la Nouvelle-Écosse, où ils sont vraiment comme renfermés dans leur fort Annapolis-Royal, ça les inquiète grandement. Et ils aiment bien d'identifier qui sont ces Acadiens, finalement, qui sont vraiment du côté des Mi'kmaq. Et là, si on veut, Beausoleil va être fiché très rapidement comme étant un Acadien qui est loin d'être neutre. Merci, merci en tout cas d'être venu encore une fois. Merci, M. Basque, c'était un vrai bonheur. Merci. Merci. Merci beaucoup.